Salut Charline. Voilà, j'ai une patate. Ah, super. Bon, alors, c'est lundi, donc... Recadrage. C'est ça, vous avez tout le week-end pour réviser. Alors, interrogation écrite sur le nouveau gouvernement. Oh non, oh, non. Ah, si, on est l'excellence radiophonique, oui ou merde. Oui, ouais, c'est alors, la merde. Alors, première question. Allez. Qui est le nouveau... Jean-Vincent Placé. Ah ouais, bonne réponse. Eh ouais. Donc, voilà, deuxième question, facile, hein, Lucien Chaud. Facile. Qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité réelle? Quoi? C'est une blague. Bah non. Mais non, mais l'égalité réelle, ça n'existe pas. Non, c'est ça quoi, n'existe ce pas. C'est en opposition à l'inégalité fictive. Ah, c'est... Allez, bah, c'est la question. On passe. Ah, non, et là, vous n'êtes pas au top. Hein. C'est Erika Barrès, bien sûr. Quoi évidemment. Ouais, on connaît qu'elle. Allez, facile. Question suivante. Allez. Affaires étrangères. Oh, oui, ouais, quand c'est même, facile, merci. Oui. Culture. Azoulay. Oui. Bien, ouais, c'est ça. Ministre de l'Outre-mer. Georges Pollangevin, bien sûr. Oui, mais on ne peut pas connaître tous les nouveaux types mais d'un c'est... coup. Mais c'est une femme. Ah. Georges, c'est une femme, Georges. Bah, ouais. Il y a trop de pièges dans ce gouvernement. Bah, oui. Allez, hop, un dernier, là. Secrétaire d'État à la myxomatose. Non. Si, c'est possible. Si l'égalité réelle a son ministre, la myxomatose a le droit aussi. Oui, on ne sait pas. Alors, on propose Micheline Lapin. Oui, Micheline, c'est un homme. On dit que c'est Micheline. Et pour la semaine prochaine, je vous préviens. En plus du gouvernement français, vous m'apprendrez par cœur les gouvernements allemand, japonais et cubain. Allez, pop au boulot là. Et le japonais, je vous préviens, vous allez en chier sur la prononciation. Cubain, c'est facile parce que c'est Castro partout. Et que bonjour la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui sniffe l'actualité. Et voici les trois informations où on a planqué la chnouf jusqu'à 18h. Le revenu minimum universel, c'est l'idée d'un même revenu pour chaque citoyen, sans condition. Et cette idée, jadis cantonnée au cénacle intellectuel, gagne peu à peu le débat public. Imaginez la réaction de Madame Michu s'il était mis en place. Gagner ma vie, mais moi j'ai pas besoin de gagner ma vie. Moi, madame, j'ai 10 000 francs qui tombent tous les mois. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera soumis à référendum local avant l'été. Le dossier était hyper complexe, il devient hyper simple, hein. C'est oui ou c'est non. Oui, oui, non, voilà, non. Comme on le voit, au dernier moment, le non l'a emporté. Jean-François Copé vient de se déclarer candidat à la primaire. Non. Eh ouais, vu que les mecs ne doutent de rien, la liste s'allonge comme le bras chez les Républicains. Ça fait chaud au cœur d'être entouré tellement d'affection, de confiance, d'amitié. On sent que ça affleure partout, quoi. Ouais, et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui défie les lois de la gravité en manière de chute dans les sketchs. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, je vous sens en forme cette semaine, ça me fait bien plaisir. Alors je vous ai apporté une belle équipe autour de la table. 17h20, il porte le même prénom que dans Phèdre de Racine, ce livre qui a connu les mêmes critiques que celui de Nicolas Sarkozy. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex, bonjour Charline. Comment va? Très bien, je vais très bien. Du remaniement de ma ministre de tutelle. C'est pas... Ah, on est content, tiens. 17h30, on va se fâcher avec elle tout de suite. 17h30. Exactement. Le justicier microté, il surgit hors de la nuit et part vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de son phrasé, d'un qui veut dire Meurice. Oh, c'est beau, la beauté. Bonjour Guillaume, de quoi bonjour Alex, bonjour à tous. Alors moi, à l'occasion de la Saint-Valentin, je me suis rendu hier à un grand défilé de célibataires. Bon, qui était tout de même là, on va pas se mentir, essentiellement pour échanger des muqueuses. C'est une opération virale à la base, donc elle sera virale jusqu'au bout. Voilà, sortez couverts. Et 17h40, elle sort d'un week-end difficile, car pour nous, elle a choisi de lire un pavé. Sauf que toutes les 50 pages, elle s'offre un petit remontant. Le livre en fait 1500. Gros mal de tête. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Alex, bonjour Charlie. De quoi on parle? Eh bien, je vais vous donner un remède miracle pour ne jamais, jamais, jamais être déçu par l'adaptation cinématographique d'un pavé. Très bien. Et allez, le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous Ben Gourion, oui, puisque vous êtes né à Jérusalem. Vous adhérez à la gauche prolétarienne en 68, l'année où les Shadok arrivent à la télévision, avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Vous présidez Médecins sans frontières en 82, quand on est Amandine, c'est le premier bébé éprouvette. Et vous publiez Pourquoi je suis devenue médecin humanitaire en 2009, quand Roselyne Bachelot commande 94 millions de vaccins contre la guerre. Grippe H1N1. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Ronny Broman. Bienvenue sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Guillaume Meurice a dit la classe, c'est un de vos héros. Ça fait gauche prolétarienne en 68, médecin humanitaire. C'est mon panthéon, effectivement. Et ben vous pouvez le toucher, il est là à côté. C'est vrai ? Oh là là ! Ah non, mais c'est pas le vrai, si. C'est bon. Bonjour Ronny Broman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en revoyant un peu votre biographie, on se rappelle les débuts de MSF et par exemple la famine en Éthiopie en 85 avec Bob Geldof, les stars mondiales qui chantent We Are the World. Catastrophe humanitaire des réfugiés, est-ce qu'on sent poindre un équivalent dans la mobilisation ? Et est-ce que vous sentez un gap entre les deux et une différence d'époque aussi ? Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une différence. Cela étant, il ne faut pas s'imaginer que toutes les grandes catastrophes du passé ont entraîné des mobilisations qui ont pu se porter au secours. D'ailleurs, d'une certaine manière, celle de 1985 en Éthiopie était très ambiguë parce que il y avait la grande mobilisation et puis il y avait un détournement de l'aide, enfin en tout cas un usage pervers de cette aide qui finalement, plutôt que servir les intérêts de la population, servait les objectifs d'un gouvernement stalinien qui l'enfonçait, cette population, plutôt qu'elle ne la sortait de la détresse dans laquelle elle se trouvait. Donc même là, il faut faire attention à ne pas enjoliver le passé pour mieux déplorer le présent. Enfin, il y avait un appel au niveau international de grandes stars, etc., et une forme de souffle de mobilisation, si on met en dehors le détournement de l'aide, qui était là. Et vous, en ce moment, est-ce que ça se passe dans nos frontières, ça se passe notamment en France, en Europe, est-ce que vous trouvez que le souffle est à la hauteur de l'enjeu de la catastrophe ? Non, certainement pas, mais il faut reconnaître qu'il est plus facile de se mobiliser quand il s'agit de causes lointaines, c'est-à-dire finalement relativement simples, parce que simplifiées par la distance, tout simplement, elles ne sont pas plus simples à l'étranger qu'elles ne sont ici, mais vu de loin, forcément, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les victimes, il y a les bourreaux, et tout ça prend place dans des catégories déjà bien établies. Aujourd'hui, avec les réfugiés, il y a victimes, envahisseurs, terroristes, halogènes, enfin il y a tout un ensemble qui... Là, il y a une ambiguïté sur les personnes que ça concerne. Il y a une ambiguïté. C'est plus facile de sensibiliser les gens avec ce qui se passe loin qu'avec ce qui se passe à Calais, par exemple ? Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que les catégories de population, celles sur lesquelles certains peuvent se projeter, d'autres non, interviennent beaucoup. Par exemple, les Restos du Cœur ont été une très grande mobilisation, comme dans les années 50, l'Abbé Pierre... Musicalement, une moins grande réussite que Bob Geldof. sans doute. Moins grande réussite, mais à mon avis, beaucoup plus honnête, parce que Bob Geldof est un faiseur que personnellement, je n'apprécie pas du tout. Ah. Je pense qu'il a largement contribué au maquillage de la situation en Éthiopie, plutôt qu'il n'a aidé à mobiliser des gens en faveur des secours. Mais enfin bon, ça serait toute une histoire d'entrer là-dedans. En tout cas, on peut mobiliser pour le coin de la rue. La preuve, c'est que ça a déjà été fait. Mais là, Calais, c'est le coin de la rue. Calais, c'est le coin de la rue. Et d'ailleurs, à Calais, n'oublions pas que de nombreux Calaisiens, des associations locales, se sont constitués en dispositifs d'assistance. Mais... Et que, pour une bonne partie, les réfugiés de Calais doivent leur condition d'existence à la solidarité spontanée de la population, bien plus qu'à l'engagement de l'État. Mais ce que vous reprochez, et que je comprends très bien à Bob Geldof, ça avait un avantage, c'était justement qu'il avait l'art du storytelling, et que justement avec le problème de Calais, c'est qu'il n'y a personne pour raconter l'histoire d'une manière qui soit audible par les Français en général. C'est important aussi la manière de raconter l'histoire. Oui, c'est important. Enfin, moi, storytelling, j'ai jamais très bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire mettre des rubans. Alors, mettre des rubans autour d'une chose. Oui, ça veut dire un petit peu simplifier. Emballer. L'emballer. Et donner une résonance forte, quelque chose. Avec la bonne voix qui raconte de la bonne manière. Ça compte. Mais moi, je ne veux pas opposer. Mettre en parallèle ces deux histoires. Parce que, encore une fois, pour moi, l'Éthiopie, c'est l'histoire d'un monumental désastre dans le désastre. Oui. Le désastre de la famine et le désastre d'une solidarité aveugle qui vient finalement aggraver le sort de ceux qu'elle entendait aider. C'est pour ça que je suis embarrassé. Le storytelling de Bob Geldof, c'était le mensonge propagandiste du gouvernement stalinien d'Éthiopie. C'était de cela qu'il s'agissait. D'où oui, alors, ma gêne quand on parle du storytelling. Oui, bien sûr. Alors, la seule comparaison était l'idée qu'il n'y ait pas une énorme résonance dans la catastrophe humanitaire qu'on connaît, qu'il n'y ait pas un artiste mondial emblématique qui s'en empare. Il n'y a pas Cali, quoi. Il y a une grande personnalité qui s'est emparée de la question, c'est Angela Merkel, qui, en Allemagne, a tout de même... En chanson, elle n'est pas terrible. Par contre, quand il s'agit d'actionner des leviers politiques, et pas seulement Angela Merkel, mais une bonne partie de la population allemande, au début de cette crise, et aujourd'hui encore, enfin, ce week-end, il y a encore eu des manifestations. On a beaucoup parlé de Pegida, de cette extrême droite islamophobe, anti-immigrée. Mais finalement, ils rassemblent, certes, ils ont rassemblé dans les rues des dizaines de milliers de personnes, mais il y a des contre-manifestations pacifiques en plus, tant mieux. Et surtout, des manifestations pour, et non pas un contre, c'est-à-dire des manifestations pour l'hospitalité, pour l'accueil, pour la prise en charge de gens qui en ont terriblement besoin. Donc ne désespérons pas totalement, mais simplement, il faut constater que quand on est plus près de chez soi, les enjeux apparaissent avec dans une complexité plus profonde. La simplification des lointains horizons ne fonctionne plus. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Ronny Broman est avec nous jusqu'à 18h, l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Et toujours membre de Médecins Sans Frontières. Toujours membre, bien sûr. Et là, maintenant, les problèmes sont dans nos frontières. Il est avec nous jusqu'à 18h. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I'm Sunshine Superman sur France Inter, et notre Superman du jour, c'est Ronny Broman, de Médecins Sans Frontières. Et tiens, on peut dire à nos auditeurs que s'ils veulent poser un geste envers les migrants, les réfugiés à Calais, par Médecins Sans Frontières, on peut apporter son aide. Oui, Médecins Sans Frontières est présent, notamment à Grande-Synthe, où des équipes sont en train de contribuer à la réinstallation du camp. Un camp humanitaire à Grande-Synthe. Un camp de réfugiés, oui. Et c'est déductible des impôts. Comme ça, vous ne payez pas les députés, mais vous payez Médecins Sans Frontières. Exactement. Et ça, c'est plutôt bien. Et ça, c'est une très bonne idée. Merci, Coluche. Et autour de la table, on a entendu déjà Guillaume Meurice, mais les deux autres sont Juliette Arnaud et Hippolyte Girardot. Allez, il est temps de s'informer. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Primaire à droite, Jean-François Copé est le 7e candidat à s'être déclaré officiellement. 3 autres candidats devraient encore se lancer, ce qui porte à 10 le nombre de participants à la primaire. Chez les Républicains, on envisage le lancement d'un album Panini. Or, dans une vidéo, le footballeur du PSG, Serge Aurier, a notamment traité Laurent Blanc de fiotte. Il s'est immédiatement excusé et a déclaré qu'il acceptait toutes les sanctions. Fiotte avouée, à moitié pardonnée. Et il y aura des brèves. Ouais. Mais pas des brèves de... Ouais, non, merci, okay. C'est bon, allez hop, c'est parti. Hier soir, Jean-François Copé s'est déclaré candidat à la primaire à droite. Voilà, une primaire à droite qui devra une belle affiche. Copé, Sarkozy, Juppé, Le Maire, NKM... Les billets sont déjà en vente sur Billets Réduc pour une tournée dans toute la France. Voilà, Pierre-Alain Chirac et Jean-Pierre Raffarin, vedette américaine. Et un bal dans les maisons de retraite avec un Juppé. Voilà, en vue de la primaire, ce week-end se tenait le Conseil National des Républicains et une militante a pris le micro et a terminé sa question par ceci. Et puis en cette dimanche de Saint-Valentin, je voudrais faire une déclaration d'amour à Nicolas Sarkozy. Je t'aime passionnément. C'est Mireille Mathieu. Et j'aimerais que tu sois mon Valentin jusqu'à la fin de mes jours et prendre la place de Carla. Et oui, il a été gentleman, oui, Sarkozy. Il a du succès. Il a son petit succès, mais ouais, il n'en profite pas trop, écoutez. Je transmettrai à Carla. Pas de problème. Il va avoir des ennuis, là. Non. Quant aux déclarations personnelles, à mon âge, ça me fait plaisir, mais ça ne me tourne pas la tête. Merci. Et voilà. La classe. Bon, encore une chose à droite. Moi, j'avais écrit la classe, mais il n'y a pas cette intonation-là. Bref, la classe. Oui, Claude Guéant appelle à boycotter le chanteur Nekfeu. Ah, le sale coup pour Nekfeu. C'est clair, si tous les fans de Claude Guéant boycottent Nekfeu, ça va lui faire un sacré coup. Ah, dites donc, remaniement à présent. Oui, l'exécutif compte à présent un ministre qui parle allemand et 3 écologistes. Ce nouveau gouvernement Valls promet d'être aussi bénéfique pour la planète qu'un moteur Volkswagen. Donc. Sport à présent. Avec un scandale au PSG. Et oui, Serge Aurier, un joueur phare, a eu la mauvaise idée de faire un question-réponse sur Periscope. C'est avec l'un de ses amis. C'est une application où on se filme et il répond à des questions. Notamment, il a balancé sur Zlatan et sur son entraîneur Laurent Blanc. Écoutez. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Et moi, jamais. Oh, toi tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression? T'as un foutre ou quoi? Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Bam ! Ah ouais, quand même. Oui, mais dans un premier temps, avant d'avouer, le footballeur avait prétexté que la vidéo était truquée, que c'était un montage. Ah, on apprend à l'instant que Jawad lui-même désavoue cet écran. Et en regardant la vidéo, ben, on sent bien que c'était la fin de soirée. Mais faut être vraiment idiot pour se faire choper comme ça sur Periscope. Oh bah, je suis d'accord, hein. Sauf que j'ai retrouvé autre chose, moi, sur Periscope. Mm. Hey, Guillaume, tu penses quoi de Charline ? Charline, c'est une emmerdeuse, c'est une prétentieuse. Elle la ramène tout le temps, alors que franchement, elle n'a pas d'avis sur rien. Elle est nulle. Et Hippolyte Girardot ? Girardot, c'est une fiotte. Oui, bon, c'était ça. C'est ça, vous n'allez pas être déçu de la suspension. C'est moi qui bon, international. Russie, les dettes d'un diocèse envers une société d'ingénierie locale ont été supprimées, et cela en échange de prières pour ses responsables. Voilà, les Républicains songeraient du coup à se convertir. Culture, Lady Gaga se fait tatouer le visage de David Bowie sur les côtes. Voilà, elle avait hésité avec Michel Galabru, et puis elle s'est dit, a priori, dans 20 ans, on devrait de toute façon croire que c'est Michel Galabru. Allez, deux brèves pour terminer. Oui, un fonctionnaire s'absente pendant 6 ans et personne ne le remarque. La vérité a éclaté quand on a voulu lui décerner une récompense pour ses 20 ans de service. Exactement. S'il veut se reconvertir, il a toutes les qualités pour être député à l'Assemblée nationale. Et la petite dernière ? 30 ans après, un Canadien résout le mystère de sa propre disparition. Cet homme était introuvable depuis septembre 86 jusqu'à ce qu'il se souvienne, en janvier 2016, de son identité. Voilà, et d'ici 30 ans, Salah Abdeslam va peut-être lui-même se mettre la main dessus. On est avec Ronnie Broman jusqu'à 18h. Qui est informé comme jamais. Mais oui, on va profiter de votre présence pour parler d'un sujet, tiens, qui nous titille, qui nous intéresse. Le premier sujet, c'est l'idée d'un revenu minimum universel qui commence à faire son chemin. C'est l'idée de verser sans condition une somme fixe à chaque citoyen de sa naissance à sa mort. Écoutez bien, l'idée d'un revenu minimum universel, ça fait son chemin. Écoutez. Cherche le minimum, le minimum. Oublie tes ennuis, oublie tes tracas. Avec un minimum. Après l'avis de Balou du livre de la jungle, on va peut-être se demander son avis à Ronnie Broman. Alors voilà une idée qui remet en question pas mal d'évidences. Un chantier de la redistribution des richesses, un chantier assez utopique, mais est-ce qu'il mérite d'être exploré, ce revenu minimum universel ? Ah oui, je pense que il le mérite, qu'on en a besoin. D'abord, on constate, et je pense que ceux qui ont réfléchi sur ces questions mettent ça en avant, on constate qu'il y a une dissociation croissante entre le travail et l'emploi. Mm-hmm. Tout le monde travaille, et même tout le monde travaille beaucoup. Pas tout le monde a un emploi, et même ceux qui ont un emploi salarié produisent, au-delà de leur boulot salarié, un travail réel, que ce soit un travail d'intérêt général pour d'autres. Oui, il y en a qui produisent des valeurs, en fait, tout c'est simplement. Ça. Donc il y a une production constante de valeurs qui n'est pas prise en compte. Donc c'est déjà, même d'un point de vue, disons, d'économiste libéral, c'est quelque chose qui est déjà tout à fait... Ah oui, il y a des économistes libéraux qui sont déjà favorables, en fait. Oui, c'est vrai que ça réunit les absolument. Deux camps. Alors, ouais. Il y a sans doute des divergences quant au montant de cette... Ah oui, il y a des bas. Mais enfin, le simple fait qu'il y ait déjà un terrain commun est encourageant, parce que ça veut dire que on n'est pas là dans quelque chose qui serait moralement scandaleux. Bien entendu, on rétribue la paresse, l'indigence, le quant à soi. Non, on rétribue une activité qui est considérée comme partagée par tous. Tout le monde travaille. Il n'y a pas d'exception à ça. Et cette prise en compte là, indépendamment de l'emploi, je pense qu'elle est déjà un pas en avant très important. Donc là, il s'agit de lutter contre la grande pauvreté, en fait. C'est-à-dire permettre à des gens de se nourrir décemment, de se loger décemment, tout en leur permettant aussi d'avoir, disons, accès aux soins et des possibilités de recours quand ils ont une urgence. Donc tout ça, sinon, c'est une sorte de paquet minimum. Mais moi, il me semble que c'est faut porter le regard aussi un pas ou quelques pas plus loin, car la lutte contre la pauvreté est un enjeu majeur, mais tout aussi majeur, me semble-t-il, est la lutte contre les inégalités. Oui. Et ce que l'on constate depuis 20, 30, en gros une trentaine d'années, c'est au contraire un creusement des inégalités. Depuis la guerre, les inégalités se résorbaient, la grande pauvreté avait reculé, je veux dire dans le monde industrialisé en tout cas. Et depuis la fin de la guerre froide, disons, le phénomène s'est inversé, on assiste au contraire à un creusement rapide, croissant des inégalités. Et c'est une piste alors de réflexion pour les réduire ? Non, je pense que le revenu minimum, le revenu universel a pour enjeu, et c'est déjà très important, la lutte contre la grande pauvreté, mais ne fait rien contre... On ne peut pas lui demander trop, il ne peut donner que ce qu'il a. Ça, il ne l'a pas. Et quand on voit qu'il y a des rapports de proportion entre des bas et des très hauts revenus qui sont de 1 à 1000, voire 1 à 2000, c'est absolument consternant. Et on voit que si on va prendre l'argent là où il est, pour reprendre une vieille formule qui finalement n'est peut-être pas si usée que cela, de l'argent, il y en a pour la redistribution. Parce que de toute façon, ces gens qui gagnent 1000 fois plus, 2000 fois les bas revenus, ils savent pas quoi faire de leur argent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec c'est cher les bas, mais vous vous rendez pas. On en parlait vendredi avec un... c'est pas si cher que ça quand vous avez 10 millions d'euros, 15 millions d'euros par an. On ne sait qu'en faire. Vous ne savez même pas quoi faire de votre argent. Et cet argent qui perd toute connexion avec la valeur, avec la réalité sociale, je pense qu'il faut, il va falloir à un moment qu'il soit littéralement confisqué et redistribué. Je crois que c'est l'avenir, c'est ça ou la mort d'une certaine manière. Ouais. Et alors je vous renvoie à l'Express paru jeudi dernier, qui va être en kiosque cette semaine, l'Express qui raconte que c'est une idée qui est à l'étude même depuis 1792, un philosophe britannique rallié à la Révolution française qui lance à la tribune de l'Assemblée nationale « Sans revenu, point de citoyen ». Vous avez 2 heures. Et sur base de ce que vient nous dire Ronnie Broman, qui est avec nous jusqu'à 18h. Et autour de cette table, il y a notamment Hippolyte Girardot. Ah mais oui. Quoi de neuf, Hippolyte ? Vous savez, il y a eu un remaniement. J'ai donc une nouvelle ministre qui s'appelle Madame Azoulay. C'est la nôtre aussi. Hein. C'est la vôtre aussi. Voilà. On l'embrasse Madame déjà. Alors, il y a eu un portrait aujourd'hui qui est paru dans Le Monde. Quand j'ai écrit la chronique, il n'était pas encore paru. Donc je vais dire évidemment des bêtises, mais c'est faute de manque d'informations. Elle avait même pas de fiche Wikipédia. C'est très très difficile. Vous savez maintenant notre époque. Bref. Elle avait un faux Twitter. Mais alors, elle a tout bon quand même. Parce qu'elle connaît bien le cinéma, elle était au CNC, son père est un des conseillers de M6, je ne parle pas de la chaîne, non, je parle du roi. Eh oui. Sa mère écrit des livres et sa sœur a produit un documentaire sur De Funès. Audrey est née à Essaouira, qui est la seule ville au monde où existe une place Orson Welles avec une magnifique statue, quand même, parce qu'il y avait tourné Othello. Bon, bref, c'est pas une artiste, mais est-ce que Cazeneuve a été flic? Non. Bon, c'est possible. Car oui, tous les ministres de la culture ne peuvent pas avoir obtenu le prix Goncourt comme Malraux, jouer Caligula comme Jack Lang, ou bien avoir astucieusement décrit la figure sexuelle de la vulve lapée comme Aurélie Filippetti. Ah bon? Non, eh non, oui, oui. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Azoulay. On sait simplement qu'elle est copine avec la copine du président qui est actrice. Bon, donc déjà, elle est copine avec une actrice qui est la copine du président. Bon, déjà. Parce que c'est vrai pédigré, que déjà. Parce que non, c'est vrai que Madame Fleur Pellerin n'avait pas ce genre de pratique du merveilleux monde culturel. À ma connaissance, elle a juste fait une voix dans le dessin animé Silex and the City, mm-hmm. qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Mm-hmm. Bon, comme l'avait cruellement montré un documentaire, quand la ministre avait avoué qu'elle ne connaissait pas grand-chose à la culture, le président et son premier ministre lui avaient donné des conseils dignes de mafieux d'un film de Scorsese. Les textes que je vais dire sont du verbatim. Le président, il faut des idées. Jack, lui, il a des idées. Le Premier ministre à côté, pianotant sur le portable. Et Monique aussi, n'oublie pas Monique. Monique Lang, la femme de Jack Lang. Le président, bah oui, Monique. Donc, premier rendez-vous à avoir Jack. Et il faut que tu ailles au spectacle. Il faut que tu tapes ça. Ah là, on adore cette franchise du président vis-à-vis du spectacle, non ? On sent que le théâtre, pour lui, bon, c'est pas aussi fun qu'un match de foot ou qu'une course de scooter dans Paris. Ça sent, quoi. Tu vois. Il continue. Fleur Pellerin. Bon, voilà, tu y vas. Tu dis que c'est bien, tu dis que c'est beau, c'est tout. Ils veulent être aimés. Mais oui, monsieur le président, c'est vrai ça. On veut être aimés, c'est vrai. C'est ça notre problème. C'est pas comme vous, ben ça c'est sûr. Non, vous, on voit bien que vous voulez pas être aimés. Tout le monde avait compris, n'est-ce pas ? Fleur, femme intelligente, avait cru comprendre donc, après ce briefing, que la franchise était une vertu. Bref, elle a osé dire qu'elle n'avait pas lu Modiano. Merde, Monique, tu lui avais pas fait une fiche peut-être ? Oh, Fleur, mais elle a fait mieux, beaucoup mieux. Lors de la visite d'une équipe de Canal Plus dans ses bureaux, un documentaire assez voyeuriste, comme le fait si bien cette chaîne aujourd'hui, elle a non seulement avoué qu'elle ne connaissait pas l'auteur du tableau accroché au mur, mais en essayant d'allumer un saloperie d'enceinte Bluetooth, elle a dit « Non mais en fait ici, c'est un décor. C'est un décor pour vous, les journalistes. » Et là, Fleur Pellerin, vous avez enchanté mon mauvais esprit et gagné forever mon admiration. Oui, vous n'avez pas faim. Vous nous avez avoué que pour ce gouvernement, ses dirigeants, la culture est un décor. Ah, vous me trouvez injuste ? Vous trouvez que je tire sur l'ambulance ? Ok, alors dites-moi le livre que le président a lu et aimé ces derniers mois. Dites-moi le film qu'il a adoré, la pièce de théâtre dont il est ressorti bouleversé. Dites-le-moi. Bah, le livre, c'est celui de Trevailer. Et si vous lui posez la question, non, mieux que ça, c'est que si vous lui posez la question au président, il vous dira, voyez ça avec ma copine, c'est sa spécialité. Donc, salut, chère Fleur, virée avec inélégance, genre merci pour ce moment. Je vous avais croisé un jour au concert de Stromae et j'en avais été heureusement surpris. Vous n'aviez pas l'air d'être en service, commandé, juste curieuse de ce type formidable. Fleur-midable, oh fleur-midable, vous étiez fleur-midable, mais eux formidable. Vous étiez incontrôlable, fleur-midable, vous étiez peu maniable, donc remaniable. Oui, vous étiez congédiable. Bonne chance au nouveau ministre. Bye. Merci Hippolyte Girardot qui prend tous les risques pour la fin de sa chronique en chanson. Merci Hippolyte. Eh ben oui, il faut souhaiter bonne chance et bon travail à notre ministre de tutelle. Mais oui, ça n'est pas facile avec nous. On va pas commencer à lui savonner la planche. Il faut commencer par l'encourager. On la pousse et puis bon, on verra ce que ça donne. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Ronnie Broman, toujours membre de Médecins Sans Frontières, à qui vous pouvez donner pour les migrants de Calais notamment. Enfin, pas à moi. Hein, non. J'ai croisé chez Présunic, parmi les tomates atomiques. T'étais sapé genre l'as de pique, mais tu m'as fait forte impression. Comme en ex-Union soviétique, j'étais d'humeur neurasthénique. Quand près des saumons de la Baltique, tu m'as regardé les yeux ronds. J'ai profité de l'occasion pour te faire la conversation. Devant mes propos platoniques, tu es resté sans réaction. Avec un air énigmatique, Tu as pris le chemin de l'exit. Ce corps à corps télépathique a tourné à ma confusion. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation. Et j'ai eu la révélation. Et j'ai eu la révélation. Unique, c'est The Liminanas, c'est la publicité. Playlist France Inter, la programmation musicale de Djoubaka, aujourd'hui à la réalisation, comme tous les jours, Benjamin Riquet, oui, à la préparation Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet et à la technique Pierre-Yves de Rolin. Et nous sommes en compagnie de Ronnie Broman jusqu'à 18h. Ronnie Broman, il y a à côté de vous un individu. C'est moi. Qui tente de changer le monde avant que le monde nous change aussi, à sa manière. Oui. Alors là, je ne sais pas si votre sujet va changer le monde, mais je suis sûre qu'il y a un potentiel. On va essayer parce que hier, c'était la Saint-Valentin. Ah. Et c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que l'amour, c'est de la merde. On le sait tous. On le sait tous. On ne compte plus les ravages de l'amour, les suicides, les maladies vénériennes, les albums d'Hélène Ségara. Selon certaines sources, l'amour est même une pure invention de la CIA pour vendre des comédies musicales et faire chialer Juliette Arnault. L'amour est donc une véritable saloperie qui peut vous tomber dessus à chaque coin de rue. D'ailleurs, pour en parler, je me suis rendu hier à un grand défilé de célibataires qui avait lieu dans les rues de Paris, du jardin du Luxembourg aux Tuileries. L'organisateur est un homme qui se fait appeler Dou, et ça c'est quand même plutôt mignon. Comment lui est venue cette idée ? J'étais sur les Champs-Élysées et je me suis dit, tiens, il y a des défilés de militaires pour le 14 juillet, pourquoi il n'y aurait pas des défilés de célibataires ? Et en partant là-dessus, il n'y avait plus qu'à organiser l'événement et affirmer nos fiertés de célibataires, d'arrêter d'être dans l'ombre. C'est une célibataire pride. Vous êtes un peu le Jack Lang des célibataires. Je suis un peu le Jack Lang des célibataires. Voilà, le Jack Lang des célibataires, le Martin Luther King de l'onanisme. On vit dans un pays de branleurs, on le sait. Hein. Ce sont ni Jackie, ni Michel, ni Laurent Wauquiez qui nous diront le contraire. Mais ce défilé, n'est pas un rassemblement anodin. Il a une portée politique et c'est Dou qui me l'a confirmé. Il y a une vraie volonté derrière tout ça, hein. C'est pas uniquement gratuit. C'est que les gens se remettent à se parler dans la vraie vie, à être curieux des autres. Simplement un petit acte poétique comme ça. Et d'en pécho quelques-unes au passage quand même ou pas ? Et d'en pécho un maximum. Voilà quand même, hein, on sait où on se trouve, mais c'est un acte poétique. Il y a une poésie, hein, puisque vous avez entendu, il ne dit pas levrette, il dit il y a une vraie volonté derrière tout ça. Ah voilà, c'est une belle métaphore, je trouve. L'amour, c'est aussi fait pour ça. L'amour, c'est quoi pour cette célibataire ? J'aime tout le monde, moi je suis tellement open love. C'est l'amour universel, pourquoi vous êtes on est open à love. Une personne ? Open love ? Ouais. Bah, je sais pas, les biens communs, l'open source, tout ça, c'est très à la mode. Voilà, une fille open love, et on va pas se mentir Alex, on aime encore bien ça, hein, celles qui sont en open source, hein, comme elle dit. On adore les filles en libre accès, hein, c'est celles qui se définissent comme étant dans le domaine public. Hein, c'est vrai que c'est toujours sympa. Ça va, alors vous dérange pas, ça va, calme, ça va très bien. C'est une enquête, c'est une enquête. Ouais, bah, la c'est liberté une enquête, s'il vous plaît, on laissez est en train de changer le monde, laissez faire les professionnels. Il y avait tout type de célibataires hein, dans ce rassemblement, il y en avait des plus cérébrales. La dimension de l'amour, pour moi, je la relie à la vie. Elle est moteur, qu'on aime comprendre les choses de la vie, faire des découvertes. C'est un moteur, c'est quelque part. L'amour est plus large, nous porte, je pense, profondément et nous tient debout. Même dans la désillusion, même dans tout ça, elle nous questionne sur nous avant tout. Ça, c'est beau quand même. Ouais. On dirait du Francis Lalanne un peu. Ah merde, je connais pas du tout. C'est un compliment ou pas? Alors, comment dire? On va pas lui dire tout de suite si c'est un compliment ou pas. Elle est trop jeune pour la vérité. Elle est pas prête, elle est pas prête. Mais elle est déjà pourtant prête à pas mal de trucs. Elle, quelle est la chose la plus folle qu'elle ait faite par amour? J'ai fait 12 000 bornes. Et ça a marché? En tout cas, ça a apporté des réponses, donc oui, ça a fait avancer les choses. Ça a apporté une réponse négative. Ouais, exactement. Mais j'étais même pas la principale intéressée. Donc, mais c'était. Attendez, comment ça? Eh oui, c'est compliqué. Vous avez fait 12 000 km pour faire entremetteuse? Ouais. Et ça m'a énormément coûté à tous les niveaux. Et j'ai envie de te dire, tu m'étonnes. Se taper 12 000 bornes pour dire à un mec, tu sais que ma copine Stéphanie, elle te kiffe. S'entendre répondre, mais attends, mais c'est qui Stéphanie? Et repartir pour 12 000 bornes dans l'autre sens. C'est un petit peu cher payé, ma grande. Alors, je sais qu'il faut sortir du monde virtuel, mais un petit tweet, enfin, un petit mail, voilà. On économise 3 000 boules de billets d'avion. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour la planète qui se réchauffe. Qui se réchauffe un petit peu à l'image de cette célibataire qui, par amour, a fait quoi? Je me suis jetée nue dans l'eau, dans un bassin, dans une grande ville. C'est vrai, par amour, vous avez fait ça? Oui, c'est ça. D'accord, et ça a marché ou pas? Fort. Au niveau de la pneumonie, ça a marché aussi du coup? Aussi. Voilà, ces obsèques seront célébrées la semaine prochaine. Parce que c'est vrai, l'amour nous fait faire des folies. Hein. Chez les mecs aussi, hein. Qu'est-ce que ce célibataire est prêt à faire pour passer une soirée romantique? Ben, quelque chose de super, super romantique, quelque chose de inoubliable, quoi. Alors, genre? J'aurais préparé les acras de morue, le colombo de poulet. Eh ben, voilà, des acras de morue, un colombo de poulet, et hop, emballé, c'est pesé. Alors là, son cœur de cible, c'est clairement les Antillaises, hein. C'est vraiment très, très ciblé. Mais bon, pourquoi pas? Laissons le mot de la fin à l'organisateur de ce défilé de célibataires et à sa vision du couple. Le moment le plus dur dans un couple, c'est chaque instant. C'est très beau, c'est très, très optimiste ça. Ouais. Tu fais quoi ce soir, Guillaume? Voilà, voilà. Je vous ai dit que c'était une saloperie qui pouvait vous tomber dessus n'importe quand. Seule mon hétérosexualité chronique m'a permis de ne pas céder. Parce que oui, c'est vrai, je vous l'avoue, il m'arrive de céder. Je dois même avouer qu'en tant que partisan de la décroissance, économique, hein, je veux dire, je suis assez fidèle à cet adage, faites l'amour, pas les magasins. Guillaume Meurice, merci. Roddy Broman, c'est fou, les gens se mobilisent quand même toujours, hein, pour des conneries, mais la mobilisation est là, hein, donc il y a une déperdition. On se distrait, oui. Hein, ouais, bah distrait, oui, c'est vrai, on en a besoin aussi de se distraire. C'est ce qu'on essaye de faire de temps en temps. Merci Guillaume. Vous en prie, à votre service. Vous vouliez parler de votre projet Pécho sans frontières, qui est en train de se monter. Non, pas Pécho, mais Péché Capitaux. C'est bien l'ouvrage que vous avez co-signé, c'est ça, hein. Que j'ai co-signé, en effet. C'est une critique de la diplomatie française, telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Critique de l'alignement de la diplomatie française sur les intérêts américains, en effet. Voilà. Rappelez-moi juste l'éditeur pour qu'on puisse le conseiller à nos auditeurs. On va le retrouver, on va vous le conseiller. Deuxième sujet avec vous, Ronnie Broman, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui est suspendu à un référendum local. Il sera organisé avant l'été, du moins c'est à espérer, parce que plus on tarde à trancher, plus ça devient complexe, hein, parce que c'est pas un projet de parking non plus, c'est quand même un aéroport. Hein, c'est... Les instruments sont déconnectés, même le système NMAS. Essayez. Non, mais cherche le tableau, c'était là. À tous les contrôleurs, votre attention s'il vous plaît. Une alerte rouge est déclenchée. Tous les avions qui se dirigent vers nous et qui ne sont pas encore dans notre rayon de prise en charge doivent être déroutés sur d'autres aéroports. Quant aux vols qui sont déjà à l'approche, on forme un stack et ils s'empilent. Et ils restent à l'attente en hippodrome. En espérant que ça ne dure pas. Exécution. Avec les mesures qu'on vient de prendre, on a gagné 2 heures. Vous attendiez un truc pareil? Non. Ça ne fait que commencer. Eh bien, c'était Die Hard 2. 58 minutes toujours. Pour vivre, oui, tout à fait. Alors, l'idée de trancher ce genre de questions par référendum auprès des habitants directement concernés, vous voyez ça de quel œil, vous, Ronnie Broman? Et déjà, ce projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, enfin qui me sont venues à l'esprit quand j'ai entendu parler de ce référendum. La première, c'est qu'il y avait déjà eu toute une série d'opinions, d'analyses qui allaient à l'encontre de ce projet d'aéroport, par opposition à la possibilité d'agrandir et de réaménager l'aéroport déjà existant. Donc c'était pas du tout ou rien, mais il y avait déjà un dispositif, il s'agissait de l'agrandir, et beaucoup d'avis sur le plan technique, environnemental, économique ont été rendus sur un mode négatif. Mais pour des raisons politiques, qui m'échappent d'ailleurs, je ne connais pas suffisamment la région, la décision est allée dans l'autre sens. Donc il y a déjà, avant même la décision de ce référendum, un problème sérieux de modalité de décision. Et puis, lorsque... enfin, moi, je suis personne, vous avez peut-être compris, je suis contre, je ne suis pas nantais, je n'habite pas là-bas. Vous auriez aimé participer au référendum, vous, par exemple ? Non, justement, parce que je trouve, et alors là, c'est plutôt le citoyen, disons, la personne qui raisonne au niveau de la collectivité nationale. Oui, parce que c'est un choix de société, donc oui, mais citoyen je ne suis pas avis. Pour l'usage répétitif et comment dire, systématique du référendum. On en est loin en France, mais ça crée un précédent, ce type-là. Et il y a des aménagements qui sont nécessaires pour la collectivité nationale, pour l'ensemble, qui peuvent nuire à certains voisins, bénéficier à d'autres. Et le référendum est le moyen d'augmenter la pagaille, de creuser les divisions. Parce que maintenant, il va y avoir les pour et les contre référendums, alors qu'avant, il n'y avait que les pour et les contre l'aéroport. Oui, ça devient compliqué. On peut être contre le référendum, mais pour l'aéroport, et pour l'aéroport, contre le référendum. On va occuper la zone du référendum. Pour le gouvernement, contre le gouvernement. Oui, voilà. Ou pour l'aménagement de l'ancien aéroport, etc. Enfin, les questions emboîtées sont infinies. Par exemple, vous infinies. Êtes typiquement contre l'aéroport et contre le référendum. Vous, c'est le... c'est le oui, non, oui, non. Oui, exactement. Pour deux raisons qui sont, en fait, relativement distinctes. Ouais. Quoi. Vous faites partie de ceux qui se disent aussi tout ça est finalement très complexe et pensé depuis longtemps et on va trancher par oui ou par non. Point. Bim. Oui, on va sursimplifier la question. Et en plus, à la fois, on la sursimplifie et on la complique parce que, comme tout référendum, on se demande pourquoi on vote ou contre quoi on vote, contre celui qui a proposé le référendum ou contre l'objet même du référendum. On sait bien, dans la tradition des référendums en France, qu'il y a toujours un mélange très, très étroit et indissociable entre les deux. Et est-ce que les gens iront voter ? Ce sera le nouveau suspense qu'on va regarder de près. Elle simplifie les choses aussi pour notre bien culturel. C'est Juliette Arnoux qui a lu cette semaine. Oh là là. Ouais, c'est ce que je fais en fait à chaque fois que je regarde Autant on emporte le vent, c'est-à-dire tous les Noëls, donc je l'ai vu 42 fois. Et après avoir vu le film 42 fois, je viens de lire le livre. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un conseil. Mon conseil, 2 points, ne jamais mélanger les alcools forts. Ah non, flûte, je me suis trompée de fiche. Mon conseil, 2 points, ouvrez les guillemets, comment éviter d'être horriblement déçu par l'adaptation cinématographique d'un livre qu'on a adoré ? Faire le chemin à l'envers, adage du petit Poucet, c'est-à-dire commencer par le film et ensuite lire le livre. Outre la non-déception, un grand plaisir supplémentaire, une version plus fouillée, plus détaillée aussi, la littérature n'a pas besoin de durer 1h40 max, et ainsi on passe plus de temps avec ses personnages chéris. Autant n'emporte le vent, 1500 pages, 3 volumes chez Folio. Vous êtes prêts, Rémi ? Alors, Autant n'emporte le vent, c'est l'histoire d'un mec. Non, je reprends. C'est l'histoire d'une fille, pendant la guerre de sécession et les 10 années qui suivent, dans l'état de Géorgie, qui pense qu'elle aime un type, Ashley Wilkes, mais en fait en aime un autre, Red Butler, sauf que quand elle finit par le comprendre, eh ben c'est trop tard. Sauf que résumer le bouquin comme ça, ça revient à résumer la Bible par c'est l'histoire de Dieu, enfin ou d'un Dieu parce que les gens ils sont pas d'accord sur ce point, qui fabrique une planète et vu que ses habitants renâclent à faire comme il avait prévu, il leur fait péter des calamités sur le coin de la gueule. Parce que 1500 pages, 3 volumes chez Folio, ça se résume pas comme ça. Mais ce qu'il y a de sûr sur Autant d'emplois de monde, c'est que c'est un point de vue passionnant sur cette guerre civile, donc de la guerre de sécession, qui est une guerre abominable, sur la fin d'un sud triomphant. Mais c'est vrai que ce qu'on retient surtout, c'est le portrait de Scarlett O'Hara. Oui, c'est bon, je vous entends, Alex. Ouais, c'est ça. C'est surtout le portrait d'une emmerdeuse. Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez pensé. Oui. Une emmerdeuse, certes, mais c'est un peu court, jeune homme. C'est surtout l'histoire d'une fille qui fait face à beaucoup d'emmerdements, dont la guerre de sécession, la fin de sa civilisation, la mort de sa mère alors qu'elle n'a que 17 ans, la folie de son père alors qu'elle n'a que 17 ans, et la misère, et la faim, et vas-y qu'elle accouche pendant la guerre, et seule la femme enceinte de l'homme dont elle est secrètement éprise, et alors qu'elle s'y connaît en médecine, comme je m'y connais en sobriété. Mais c'est pas grave, elle le fait quand même, et peut ainsi dire ma phrase préférée du cinéma et de la vie en général... Faites bouillir de l'eau et apportez-moi des linges propres. C'est pas compliqué. Si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée Scarlett pour cette phrase et pour une autre qu'elle dit à un moment dans le livre, mais qui n'est pas dans le film. D'où l'intérêt de lire le livre. Elle dit, j'ai l'impression que les femmes pourraient faire n'importe quoi sans le secours d'un homme, sauf avoir des enfants. Et Dieu sait qu'aucune femme saine d'esprit n'aurait d'enfants si elle pouvait en faire autrement. En arrivant au terme des 1500 pages, on en arrive à la phrase culte du livre, la presque dernière, au moment où Scarlett dit quand Rhett Butler vient de la quitter. Je penserai à cela demain à Tara. Au cinéma, c'est traduit par « Demain est un autre jour », ce qui fait de Scarlett la reine de la procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination ? C'est l'action de toujours remettre à plus tard, à demain, donc ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et en cela, Scarlett O'Hara est la cousine d'un autre héros de la littérature américaine, le Gatsby de Scott Fitzgerald. Je vous lis les dernières lignes de Gatsby le Magnifique. « Gatsby croyait en la lumière verte, l'extatique avenir qui d'année en année recule devant nous. Il nous a échappé, qu'importe. Demain, nous courrons plus vite, nos bras s'étendront plus loin, et un beau matin, et c'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. » Alors je m'interroge, c'est pas étonnant, cette Amérique, censément symbole du triomphe de l'ambition, et qui a parmi ses deux plus grands héros littéraires, ses deux procrastinateurs, ses deux ambivalents, que sont Scarlett et Gatsby ? Si, si, les gars, c'est étonnant. Juliette Arnaud, merci. Chronique ouverte. Et oui, et la relecture d'un grand classique par Juliette. Et oui, et donc la procrastination des Américains, est-ce que c'est un trait de la diplomatie aussi, non, pas vraiment. Non, je trouve pas qu'ils sont très procrastinateurs. Moi, qui le suis passablement, au contraire, ils ne seraient peut-être pas assez. C'est peut-être la seule critique que vous ne faites pas dans Péchés Capitaux, donc la critique de la diplomatie française, édition du Cerf. Voilà. Ronny Broman, entre autres. Troisième sujet avec vous, Ronny Broman, bien Jeff est candidat. Hein, ça, pour une nouvelle. C'est une nouvelle, voilà. Il vient donner de l'épaisseur à la primaire à droite, hein, de l'épaisseur, puisqu'ils sont déjà 7 candidats déclarés. Plus de Blanche-Neige, et c'est bon. Non, mais il y a un nain qui n'est pas encore déclaré. Ah non, parce que Morano est dedans, excusez-moi. Et trois noms déclarés, Sarkozy, NKM et Bruno Le Maire. Après ça, la liste est complète. Parce que même si vous êtes pape, après, ce sera plus possible de rentrer, vous êtes conscient. Hein. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît ? C'est pour vous. Ben, c'est une soirée privée, j'ai besoin de votre nom, j'ai une liste. Je suis Jules César. Jules César. Non, excusez-moi, ça ne peut pas être possible. Non. Bonsoir, bonsoir. Moi, il doit y avoir un problème sur la liste, je dois être sur la liste normalement. Écoutez, monsieur, ça s'écrit comment, votre César ? Ça s'écrit C-E-S-A-R, Jules. Mais écoutez, je ne sais pas comment, je connais la... J'ai une amphore à l'intérieur. U-L-E-S. Oui, effectivement. Jules César, vous pouvez rentrer, vous êtes à la table de la reine. Bah oui. César comme la salade, c'est facile. Mission Cléopâtre. Alors, Ronny Broman, c'est fou cet engouement à droite quand même pour la primaire. Tout le monde veut se présenter. Est-ce que ça montre une certaine vivacité du débat chez les Républicains ? Vous voyez ça de quel œil ? D'un œil un peu endormi, je dois dire. Enfin, moi, je veux pas tourner ça en dérision non plus, parce que le jeu démocratique, c'est vrai. Bien le boulot quand même. Je ne me sens pas tellement concerné. C'est pas vraiment mon camp politique, oui. Comme on l'a peut-être compris. Mais après tout, que la démocratie se nourrisse un peu des ambitions qui veulent l'incarner. Ça fait partie du jeu, vaut mieux ça que le contraire. Donc, bien sûr, oui, qu'un candidat unique, totalement vous voulez dire. Totalement dérision, mais je ne me sens pas directement concerné. C'est ça, exactement. Bien sûr. Vaut mieux qu'un candidat, ou pas tout candidat du tout, oui, parce que le même reste... Effectivement. Alors, on tourne ça en dérision, parce que là, quand même, Jean-François Copé est celui qui nous mâche le plus le travail. Il y en a qui sont un peu plus sérieux quand même. Vous, à quoi vous vous raccrochez pour croire encore à la politique ? Je me raccroche aux innombrables initiatives qui existent dans la société et qui sont, à mon avis, porteuses de quelque civile. Chose. Ben, pourquoi il y a la société militaire Non, je veux dire civile, parmi les citoyens, la classe politique. Non. D'ailleurs, c'est assez bizarre, quand on parle de la société, d'une certaine manière, on exclut la classe politique, c'est peut-être pas juste. Enfin, en tout cas, au-delà des retentissements médiatiques, on va voir un peu plus loin, et là, il y a de la matière. Ronny Broman, vous n'échapperez pas à une proposition qu'on fait à tout le monde, qu'il soit chanteur, acteur ou humanitaire. Exactement, on propose le sketch de fin d'émission, et je vous ai trouvé un rôle. Votre propre rôle, mais dans un nouveau poste, toujours dans l'humanitaire, vous êtes appelé à diriger une cellule de premier secours à la sortie de l'Elysée. Vous êtes soutenu par Guillaume Meurice et pour réparer ceux qui en sortent, on s'y rend tout de suite. Place, place, faites place, on a une nouvelle blessée. Encore ? C'est la troisième en 5 minutes. Oui, mais celle-là, elle est gravement blessée, là. Du ministère de la Culture. Du calme, Madame Pellerin. Faites-lui donc une morphine. Ah ben non, mais j'en ai plus. Jean-Marc Ayrault, il a tout pris. Mais il souffrait pas, Jean-Marc Ayrault. Non, mais il s'est senti trop joyeux quand on l'a rappelé. Donc, évidemment. Ouais. Et moi, occupez-vous de moi. On vous avirait pourquoi, Madame Pellerin ? Vous avez fait une bourde ? Mais non, J'ai juste le temps de rien faire et puis bam, me voilà pleurant du plus loin de l'oubli. Ah, du plus loin de l'oubli, c'est le titre d'un bouquin de Patrick Modiano, ça. Ah, j'ai pas fait exprès. Calmez-vous, calmez-vous, c'est jamais perdu. Il a raison, c'est jamais perdu. Ah, voilà Jean-Marc Ayrault requinqué. J'ai une forme, c'est vexant pour les autres. Place, place, faites place, on a une nouvelle blessée. Oh, mon Dieu, mais il ne nous laisse aucune chance, c'est Sylvia Pinel. Non, c'est Marie-Lise Lebranchu. C'est une chance sur deux. Ah oui, mettez la chambre 205. Mais elle a une chambre, elle. Oui, mais elle, on l'attendait depuis un certain temps. Madame Lebranchu, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, parce que moi, j'ai toujours bien travaillé. Ça arrive. Vous alliez souvent sur les plateaux de télé? Mais non, j'avais pas le temps, moi, j'avais du travail au ministère. Ah ben, cherchez pas, c'est ça. Mais non, moi, c'est même pas ça, j'allais sur les plateaux de télé. Fleur, fais comme moi, calme-toi. Place, faites place. Encore, là, c'est Sylvia Pinel? Non, Jean-Vincent Placé, il est dans le coma. Mais il a été nommé, lui. Voilà, c'est ça, trop d'émotions. Ah, quel beau métier on fait, aider des gens en difficulté. Bon, je vais refaire le stock de morphine. Mais ils sont tous là, non? Ouais, on a les primaires à droite qui se profilent, il y aura du monde à soigner, je pense. Ah, je kiffe vraiment l'humanitaire. Si j'avais su. Vous êtes d'un calme dans les situations d'urgence, et ça, c'est rassurant. C'est mon métier. Oui, c'est jamais, oui. Ça vous arrive toujours d'exercer comme médecin? Non, j'exerce non. plus. Non. Non, non, vous enseignez en revanche? J'enseigne, oui. J'enseigne à Sciences Po. Ouais. J'ai arrêté, j'enseigne en Angleterre, à l'Université de Manchester. Ah bon? Mais dites donc, oui, cette classe. Sûr. On avait un professeur de l'Université de Manchester avec nous. Eh ben, dites donc. Nous le dire, on vous aurait reçu comme ça. Désolé, pardon pour tout ce qu'on a fait. J'ai pas pensé. Pas de question à poser sur Manchester, le championnat. Ancien président de Médecins Sans Frontières et toujours membre de Médecins Sans Frontières. Et on vous encourage à aller se rendre sur le site de Médecins Sans Frontières. Et voilà, et n'oubliez pas, c'est. Mais oui, c'est, comment on dit, des impôts. C'est déductible d'impôts, mais bien sûr, voilà, évidemment. Merci beaucoup, Ronnie Broman, d'avoir passé ce moment avec nous. C'est un plaisir. Merci à vous, les amis. Merci Hippolyte Gérardot, Juliette Arnault, merci Guillaume Meurice, qu'on retrouve pour une nouvelle enquête demain, et Alex Vizorek. Qui on reçoit demain? Alors, demain, qui est-ce qu'on reçoit? Si, c'est cette madame qui écrit des livres. Excusez-moi, je vous ai Véronique coincé. Véronique Vachon, bien sûr. Voilà, Véronique mais Vachon, évidemment. On l'attend. Elle essaie d'essayer de me coller, mais non. Oui. Allez, le mot de la fin aux habitants de Loire-Atlantique qui vont pouvoir voter pour ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Oui. Non. Pas là, non. Allez. Non. Non. Comme on le voit, au dernier moment, le non l'a emporté. Non.